Ah. Yeah. Démarque-toi, man. Ah. Yeah. 2021. Brrr. Hungry. Yeah, yeah, yow, yow. So, vas-y, let's go, démarque-toi. Montre-moi tes valeurs et que t'es pas n'importe quoi. Que tes sons sont pas copiés sur le mumble rap. Du talent, ça se reconnaît, montre-moi toi t'es quoi. So, vas-y, let's go, démarque-toi. Montre-moi tes valeurs et que t'es pas n'importe quoi. Que tes sons sont pas copiés sur le mumble rap. Du talent, ça se reconnaît, montre-moi toi t'es quoi. Un petit player ou un artiste, c'est deux choses différentes. Un rappeur ou un petit Chris, moi aussi j'aime prendre des risques. La seule chose que je pense, c'est que t'es perdu d'avance. Tu croyais que t'es ta réponse, mais pour moi t'es qu'un rite de passage qui va tomber dans l'oubli. Un jeune délinquant qui sert des autres rappeurs pour grow up in life. Sauf tu t'offres pas deux mois, je peux pas dire que je suis le meilleur, mais je vais quand même t'avouer que ça prend pas grand chose pour te le faire rappeler. Avec mon rap, je te frappe et tu dérapes dès le premier lap. Toi tu pries pour pas que t'es avec mon rap de ghetto. L'odeur de la douleur éterne chez les fils de pute, moi j'adore. C'est comme un gros coup d'en face pour leur placer leur face de crasse. J'suis pas tellement famous, je demande pas trop cash. Je le fais pour le plaisir, pas pour les faces que j'arrache. Faut pas mêler le monde du rap et le monde réel. Dis donc des vraies affaires comme moi. Des gens tu peux n'envoyer chez Otasso. Vas-y, let's go, démarque-toi. Montre-moi tes valeurs et que t'es pas n'importe quoi. Que tes sons sont pas copiés sur le mumble rap. Du talent ça se reconnaît, montre-moi toi t'es quoi. So vas-y, let's go, démarque-toi. Montre-moi tes valeurs et que t'es pas n'importe quoi. Que tes sons sont pas copiés sur le mumble rap. Du talent ça se reconnaît, montre-moi toi t'es quoi. Yo, on fout la merde partout. Craigne de l'ébordement. On se fait prendre pour les fous. On fait couler le sang. Yo, angry sang, j'fais mon comeback. Yo, même si j'suis jamais gun, j'ai plein d'oseilles dans mon sac. Cette fois-là, c'est la bonne. Yeah. Démarque-toi, man. Yo. Démarque-toi.